Activité 7, page 41. Piste 31. A. Lui. B. Lu. C. Dune. D. Huile. E. Rue. F. Fruit. G. Blu. H. Bruit.